pensée. Ai-je enfin épuisé ta colère? Juste ciel, as-tu mis le comble à ma misère? Et la terre et l'enfer conspirent contre moi. Tant de frappes, c'est tout ce que j'attends de toi. Seigneur, j'entends déjà la foudre sur ma tête. Sur moi, sur Jonathan, c'est le doigt éclaté. De cette que je perds, ta vie va le porter. Qu'il jouisse à son gré d'une juste conquête. Dieu vengeur, à tes coups je vais le présenter.